rentrer dans ma tête, mais je vais pas te laisser. Comme un lendemain de fête, le matin je suis pressée. On n'a pas trop parlé, mais j'ai déjà tout capté. Tu fais le beau, tu t'endettes, tu crois que je vais faire ton café. Tu passes des journées à la salle, c'est ton lieu de travail. T'augmentes les pectoraux, je rajoute les zéros. Tu rêves d'un coupe gold photo, je suis même pas ton poteau. Sur tes posts Instagram, t'es la parfaite bonne femme. Je vais pas faire des squats pour toi, enchaîner les tafs pour toi. Cherche-toi le gros cul que je n'ai pas. Je vais pas faire des squats pour toi. Il cherche sa baby mama, baby mama, baby mama, yeah. Je suis pas ta baby mama, baby mama. Cherche ta baby mama, baby mama.